musique et religion, chaque jour qui s'élève, les enfants boiront au lit des rivières, où il y a des saisons, des étés, des hivers. Nous ne sommes que des enfants, des musiciens, le cœur rempli d'espoir et de refrains. Parcourir le monde avec des mots, j'ai la musique dans la peau, des mouvoirs avec une mélodie qui chante l'histoire de ta vie. Pour te parler d'amour, j'ai toujours ma guitare, le cul sous les discours, tous les dollars. Parcourir le monde avec des mots, j'ai la musique dans la peau. On a bâti des musique dans la peau, d'émouvoir avec une mélodie qui chante l'histoire de ta vie.